se sont pendus, choisis d'aller pendus, bout de corde balancée, balancée mourue, comme devenu son propre justicier, comme suspendu vers un étrange aller. Qui comprendras-tu ?